J'avais une bagnole de l'or, toute défoncée dans un fossé. J'allais de Carouge à C, pour des bonnes prises, pour faire du sport. Là-bas, tout est gris, tout est sauvage. On n'a rien d'autre que de l'élevage. On vit tous dans un naufrage. L'homme est un véritable naufrage. Est-ce que je connais la Normandie? Oh, peut-être maintenant.